Chapitre 13e. Bengali retrouve Georgette. Les visites de Bengali à la famille Jujube se continuaient depuis un mois, et pas un mot de ses intentions matrimoniales n'était sorti de sa bouche. Pas même une allusion au mariage ne lui était échappée, et pourtant, ses empressements auprès d'Athalie, son langage ardent et tendre quand il lui parlait, étaient d'un homme épris de la femme objet de tant de soins, de tant d'attention. C'est que Bengali, si étourdi, si insouciant, si avide de plaisir, était au fond un honnête garçon, bien décidé à n'épouser qu'une femme qu'il saurait pouvoir rendre heureuse, chose difficile sans amour. Il faisait donc tous ses efforts, de très bonne foi, pour éveiller en lui par des causeries, les yeux dans les yeux, par des serments de main, un sentiment dont aucun battement de son cœur n'indiquait l'éclosion. Voilà pourquoi la demande de la main d'Athalie se faisait attendre, au grand étonnement de la famille Jujube, qui ne comprenait rien à son silence. Ce mutisme persistant devenait d'autant plus grave qu'Athalie, qui tout d'abord ne voyait dans le mariage projeté pour elle que la cessation d'un célibat qui pouvait la rendre ridicule aux yeux des jeunes filles de sa connaissance, qui toutes trouvaient des maris, qu'Athalie, sensible aux discours et aux soins de Bengali, s'était sérieusement éprise de lui, et c'était de sa part des jérémiades à n'en plus finir, après chacune des visites du soi-disant prétendu, et Jujube, d'humeur naturellement irritable, d'entrer dans d'effroyables colères, de crier « Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne peux pas le prendre à la gorge !» Voilà 5 ou 6 fois que nous en parlons à sa tante. Elle nous explique invariablement qu'elle le questionne, le presse, et obtient de lui l'éternelle réponse qu'il étudie ton caractère, que le mariage est une chose grave. S'il pense, comme Voltaire, que cette chose est tellement grave que ce n'est pas trop de toute la vie pour y penser, tu n'as pas fini d'attendre. Sais-tu ce que je ferai moi? Eh bien, je te marierai à un autre. Je n'en veux pas d'autre, s'écria Athalie, tout en larmes. C'est lui que je veux, c'est lui que j'aime. Enfin, dit la mère, il faut prendre un parti. Les visites de ce jeune homme finiront par compromettre notre fille. Jujube se décida donc à en finir par une dernière démarche auprès de Mademoiselle Pied-de-Vache. Il se transporta à Saint-Mandé et exposa la situation. « Vous avez raison, répondit la vieille demoiselle, irritée. Il faut en finir. Je vais voir mon neveu, lui mettre le marché au point. Je le mènerai chez vous, et nous en finirons. » Pendant ce temps, l'infortuné pharmacien, convaincu de l'amour d'Athalie pour lui, continuait ses tentatives de visite qui échouaient toujours. Souvent, il se présentait au moment où son rival était dans la place. Ce jour-là, le pauvre garçon n'était pas reçu. Une autre fois, ces dames étaient sorties, ou bien Jujube était là, et c'était tous les jours un nouveau prétexte. Le malheureux pistache retournait piteusement à son officine en se disant « C'est drôle. Depuis quelque temps, on a bien souvent des motifs de ne pas me recevoir. » Si bien qu'un jour où il avait été de nouveau y conduit, certain, d'après l'affirmation du concierge, que ces dames étaient chez elles, il s'aposta au palier de l'étage supérieur pour voir sortir le visiteur cause de sa non-réception. Au bout d'un quart d'heure d'attente, il vit sortir Bengali, reconduit par les deux dames, avec 1000 paroles gracieuses. « Lui ?» se dit-il avec stupéfaction. « C'est pour lui qu'on ne me reçoit pas ?» Le pauvre garçon ne vivait plus depuis ce jour. Il ne savait comment demander à ces dames une explication. Avouer son espionnage, c'était impossible. Enfin, n'y pouvant plus tenir, il leur raconta que, le jour en question, il avait rencontré dans l'escalier une personne de connaissance avec laquelle il avait causé, et qu'à ce moment il avait vu sortir Bengali reconduit par elle. Athalie, tout interdite, ne savait que répondre. La mère, sans hésitation ni embarras, expliqua que ce jeune homme était venu les entretenir d'une affaire d'intérêt concernant sa tante, et qu'il n'était pas possible, même Pistache étant son ami, de le faire assister à des confidences sur des affaires de famille. Le naïf garçon, qui ne désirait rien tant que d'être rassuré, se récria, s'excusa d'avoir involontairement amené des explications dont il n'avait pas besoin, que jamais l'idée d'un manque de parole de la part de ces dames ne lui serait venue à la pensée, etc., etc. Puis, il demanda si le moment de se déclarer à M. Jujubes était proche. « Vous serez bientôt fixé, » répondit Mme Jujube. « Fixé agréablement ? » demanda-t-il. « Je prépare mon mari en vue d'une réponse favorable, » répondit-elle. Et le bon pistache partit plein de confiance, non cependant sans avoir remarqué qu'Athalie était restée étrangère à la justification. Le lendemain même de cette entrevue, qui l'avait rassurée, Mademoiselle Pied-de-Vache et son neveu se présentaient dans la famille Jujube. Bengali, après quelques résistances, avait fini par céder à la volonté de sa tante, se disant qu'après tout, il aurait une petite femme un peu bébête, mais aimante et bonne, qui lui ferait la vie douce, qu'il finirait probablement par aimer. Bref, la main d'Athalie fut officiellement demandée, accordée, cela va sans dire, et cet heureux événement jeta une joie inaccoutumée dans la famille Jujube. Et le soir, en rentrant chez lui vers 10 heures, toujours la tête occupée de Georgette, Bengali se disait « Elle aussi est sans doute mariée. Monsieur Marocain m'avait dit que le mariage était pour dans un mois et voilà plus de 5 semaines. »« Ah, je suis stupide, » pensa-t-il. « J'ai beau faire tout au monde pour l'oublier, je ne peux pas. Pourtant, je n'ai rien à espérer. Elle est mariée, un homme qu'elle aime. Il est bien heureux, celui-là. Allons, n'y pensons plus. Oui, je dis toujours cela, et j'y pense tout de même. » Ces réflexions furent troublées par les cris d'une femme appelant à l'aide. Bengali se précipita du côté d'où partaient les cris et vit un jeune homme enlaçant une femme qui se débattait dans son étreinte. « Voyons, » disait l'auteur de cette entreprise galante, « un petit souper fin, dans un joli cabinet particulier. » Il fut interrompu par l'intervention de Bengali, qui l'écarta violemment de sa victime avec accompagnement d'épithètes. « Ah ! » dit le monsieur, « vous êtes le souteneur de cette promeneuse nocturne que je prenais pour une ouvrière attardée, et moi qui allais vous remettre ma carte. » Puis, avec un rire de mépris, « Ah non, non, on ne se bat pas avec. » Il n'acheva pas une paire de gifles, lui ayant coupé net la parole. La jeune fille poussa un cri, Bengali se retourna. « Georgette !» s'écria-t-il. Puis, présentant sa carte à l'inconnu, « Je suis à vos ordres, monsieur. Vous vous renseignerez. » « Et vous verrez qu'on peut se battre avec moi. » Le jeune homme prit la carte, s'approcha d'un bec de gaz et lut à haute voix « Alfred Bengali, rue Lafitte, 14. »« Très bien, monsieur. » Puis remettant sa carte, « Vous recevrez demain la visite de 2 amis. »« Je les attendrai, monsieur. » L'inconnu s'éloigna. « Vous allez vous battre? Pour moi ?» s'écria Georgette éperdue. « Oh mon Dieu, s'il vous arrivait malheur !»« Merci de cette marque d'intérêt, madame. » « Je regrette de ne l'avoir pas mérité plus tôt. »« Madame ?» fit la jeune fille étonnée. « Mais comment êtes-vous dans la rue, seule, à 7 heures ?»« De l'ouvrage pressé que j'ai dû reporter. »« Mais comment votre mari ne vous accompagnait-il pas ?»« Mon mari ?»« Sans doute n'êtes-vous pas mariée ?»« Mais non, monsieur. » Bengali eut un mouvement de joie. « Non ?» fit-il, puis il ajouta tristement. « C'est pour bientôt, alors, dans quelques jours ?»« Je ne sais pas ce que vous voulez me dire, je n'ai aucun projet de mariage. » « Comment ?» s'écria l'amoureux jeune homme, tout ému. « Mais monsieur Marocain m'annonçait lui-même. » Georgette comprit. Elle se rappela le danger que sa marraine et Marocain lui avaient montré, son changement de domicile pour dérouter l'homme qui voulait la séduire. « Monsieur Marocain, » dit-elle alors, « nous avait aperçu qu'aux ensemble un soir que vous m'aviez accosté, et j'avais fui à son approche. Le lendemain, je lui ai fait connaître, ainsi qu'à ma marraine, dans quelles circonstances je vous avais connu et comment je me trouvais causant avec vous. Les intentions qu'on vous prêtait, j'y croyais, avant le dernier langage que vous m'aviez tenu. Après vos déclarations si formelles, je protestais contre l'accusation dont vous étiez l'objet et déclarais vos intentions véritables. On a attendu la démarche que vous deviez faire. » Bengali balbutia des allégations d'empêchement qui avaient retardé cette démarche, retardé seulement. « Voilà pourquoi, » interrompit la jeune fille, « le mari de ma marraine vous a dit que j'étais sur le point de me marier, pensant ainsi mettre fin à vos obsessions. »« Je vous jure, » s'écria Bengali. Georgette l'interrompit de nouveau. « Ce n'est pas le moment de parler de cela. Qui sait le sort que ce combat vous réserve ?»« Et c'est pour moi, » ajouta-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Bengali lui saisit la main, elle la retira vivement. « Et quand aura lieu ce duel ?» demanda-t-elle. « Mais après-demain, sans doute. » « Que Dieu m'épargne le chagrin d'apprendre que vous avez été victime de votre dévouement. » « Et, » demanda Bengali en s'approchant, « si Dieu vous épargne ce chagrin, me permettez-vous d'aller vous porter la bonne nouvelle ?»« Je la connaîtrai avant votre démarche, » répondit Georgette. Puis, lui tendant la main, « Merci, monsieur. » Il s'éloigna en étouffant un sanglot dans son mouchoir. Bengali resta seul et interdit. « Elle la connaîtra avant ma démarche, » pensa-t-il. Comment? Par quel moyen? Georgette avait entendu la lecture de la carte remise par Bengali. Rue Lafitte, 14, dit-elle, je ne l'oublierai pas. Et en effet, le surlendemain, à 7 heures du matin, elle arriva en fiacre à l'adresse indiquée, une voiture de remise stationnée à la porte, et le cocher allait et venait sur le trottoir. Georgette appela le sien. Il descendit de son siège et ouvrit la portière. « Je vous donnerai un bon pourboire, lui dit-elle, si vous faites bien ce que je vais vous dire. « Si ça se peut, madame, je veux bien. Qu'est-ce que c'est ?»« Il s'agit d'aller causer avec le cocher de cette voiture et de savoir ce qu'il fait là. S'il attend deux messieurs qui l'a amené à cette adresse ou un locataire de cette maison qui l'a fait retenir. « Oh, ce n'est pas difficile, madame. On vous dira ça au juste. » Par le carreau, Georgette vit son cocher accoster son confrère et une conversation s'engager entre eux. Bientôt, son mandataire revint. « Madame, il attend deux messieurs qui l'a amené et il m'a dit que c'était sans doute pour des particuliers qui vont se battre, vu qu'il y a des épées dans la voiture et qu'il doit conduire ses clients au bois de Ville-d'Avray. » À ce moment, Bengali et ses deux témoins sortaient de la maison et montaient dans la voiture. « Suivez cette voiture, » dit Georgette. « Jusqu'où, madame ? Jusqu'à l'endroit du bois où elle s'arrêtera, assez loin d'elle, cependant, et vous vous placerez de façon à n'être pas aperçu. Bon, compris. Madame veut voir la chose sans... Faites ce que je vous dis. » Le cocher monta sur son siège et suivit la voiture à distance. Arrivée à un endroit désert du bois, elle s'arrêta. Un coupé était là et 4 personnes en sortaient. Ces personnes étaient l'adversaire de Bengali, ses témoins et un médecin. Georgette descendit du fiacre. « Attendez-moi ici, » dit-elle d'une voix émue à son cocher, et elle s'avança d'un pas chancelant vers le lieu où deux hommes allaient peut-être s'entre-égorger, et c'était pour elle, parce qu'à une heure tardive de la soirée, l'un d'eux lui avait adressé des galanteries que l'autre l'avait protégé contre les entreprises du premier. C'était pour cela que ces deux hommes, pleins de jeunesse et de santé, allaient chercher dans le sang l'un de l'autre la satisfaction imposée par un préjugé social. Les deux adversaires se saluèrent, mirent habit bas, prirent chacun une des épées qui leur furent présentées et se mirent en garde. Le directeur du combat croisa les deux épées par le bout, se rangea près du deuxième témoin et du médecin et dit « Allez, messieurs !» Georgette, entre les branches d'un massif d'arbres, avait assisté à ces préliminaires solennels, dans une agitation qu'elle avait peine à maîtriser à l'ordre. « Allez, messieurs !» Elle appuya fortement sa main sur son cœur qui battait à lui briser la poitrine, et haletante, elle attendit. Dès le premier engagement, elle trembla pour les jours de Bengali, ardent, téméraire, devant l'épée d'un adversaire froid, calme, paraissant sûr de sa force et prêt à saisir le passage imprudemment ouvert à son arme. Bengali, lui, n'était plus le simple auteur d'une injure donnant la réparation par lui due, c'était le fou d'amour, combattant l'homme qui a outragé la femme aimée. Et Georgette, dont la pensée dirigeait son bras, ne pouvait s'empêcher, malgré son anxiété, de l'admirer. « Qu'il est beau, qu'il est brave » murmurait-elle. Elle jeta soudain un cri terrible. Bengali venait de tomber, atteint par une riposte en pleine poitrine. Au cri, tous les hommes s'étaient retournés. L'un d'eux avait couru au-devant de Georgette qui s'avançait en trébuchant et la soutenait pour qu'elle ne tombât pas. Les autres s'étaient précipités vers le blessé et pendant qu'il lui déchirait à l'endroit de la blessure sa chemise inondée de sang, le médecin tirant de sa boîte de secours de la charpie des bandes de toile et des fioles. Georgette s'échappa du bras de son cavalier et vint tomber à genoux près du blessé évanoui. « Il est mort, monsieur ? » demanda-t-elle en suffoquant. « Vous me gênez, madame, » répondit le médecin. « Je ne peux rien vous dire encore. Laissez-moi examiner la blessure. » L'adversaire, debout et chapeau bas, attendait l'opinion du médecin. Le docteur, après avoir lavé la plaie avec le contenu d'une des fioles, procéda à un premier pansement. L'effusion du sang arrêtée, il appuya longuement son oreille sur la poitrine du blessé. Georgette, haletante, attendait en murmurant « Oh mon Dieu, et c'est pour moi !» Enfin, le médecin releva la tête et montra un visage exempt d'inquiétude. Georgette, se redressant comme un ressort « Ah, ça n'est pas grave !»« Du moins, madame, » répondit le médecin, « il n'y a pas danger de mort. Le cœur et le poumon fonctionnent régulièrement. Ils n'ont donc pas été atteints. La blessure a cependant une certaine gravité, mais je vous le répète, sauf complications imprévues, ce ne sera qu'une question de soins et de temps. » L'auteur de la blessure, alors, dit au témoin de Bengali, « J'enverrai ce soir même ma carte à votre client et je ferai prendre régulièrement de ses nouvelles. » Puis, s'adressant à Georgette, « Je vous adresse, madame, mes plus humbles excuses. J'ai été trompé par les circonstances de lieu et d'heure. Veuillez, je vous prie, croire à mes vifs regrets. » Il salua et remonta dans son coupé avec ses deux amis et la voiture s'éloigna. On transporta avec précaution Bengali dans la sienne. Georgette exprima le désir d'y monter. « Vous êtes sa parente, son amie ?» demanda le docteur. « Ni l'une ni l'autre. Vous avez entendu ce que vient d'être dit par l'adversaire de ce malheureux jeune homme. Je n'ai rien à ajouter. Il m'avait insulté. Celui qui l'a si gravement blessé m'avait protégé sans même savoir sur celle dont il se faisait le défenseur. Je n'ai d'autre mobile que ma reconnaissance. Votre conduite est très naturelle, madame. Malheureusement, nous ne pouvons tenir cinq dans cette voiture. Le malade, d'ailleurs, en souffrirait. » Georgette alors se résigna, regagnait sa propre voiture. Ce que voyant, les deux témoins s'offrirent pour y monter à sa place. Elle accepta, monta dans celle où on avait placé le blessé, s'installa près de lui, lui mit la tête sur ses genoux, et les deux voitures partirent.